comme chaque matin elle part travailler. Elle est secrétaire depuis quelques années, mais son envie d'y aller commence à se faner. Car l'ambiance au bureau est devenue moins rose, ses collègues sont bourrus, il fallait qu'elle s'impose. Quand elle mâche un stylo, il l'interpelle et ose lui dire tu as une belle bouche, j'y mettrais bien autre chose. Non, elle aurait pas dû s'habiller comme cela, marcher seule dans la rue et patati patata. Non, elle n'aurait pas dû s'apprêter comme cela, elle n'aurait pas dû faire ci, elle n'aurait pas dû faire ça. Mélanie vient juste d'avoir 16 ans, elle est jeune, fraîche et rayonnante, sa joie de vivre est belle et bien présente. Elle est contente, elle rend visite à sa tante. Elle n'habite qu'à deux pâtés de maison. C'est l'été, elle est habillée de saison. Petit short bleu, aucune provocation. Pourtant, elle se fait siffler à l'occasion. Elle a entendu, mais où vas-tu comme ça? Parfois même, il lui caresse le bras. Il la traite de chienne depuis de l'obsa. C'est son quotidien, que ça lui plaît ou pas. Non, elle aurait pas dû s'habiller comme cela, marcher seule dans la rue et patati patata. Non, elle n'aurait pas dû s'apprêter comme cela, elle n'aurait pas dû faire ci, elle n'aurait pas dû faire ça. Johanna habite près de Laval, elle va prendre le train direction la capitale. Entièrement vie de jeune fille suivie d'un festival. Dans deux mois elle se marie avec l'homme idéal. Elle attend à la gare une de ses amies. C'est bientôt le départ mais toujours pas d'avis. Elle l'appelle mais trop tard car c'est là qu'elle lui dit. Elle lui dit qu'elle se gare mais le train sera parti. Alors elle décide de s'y rendre seule car à Paris d'autres amis l'attendent. Elle s'assoit à sa place et fixe le sol car un groupe la regarde mais pas de manière tendre. Dès le départ il s'approche de Johanna, l'un l'embrasse tandis que les autres tiennent ses bras. Ses mains sur sa poitrine, il ne se gêne pas et finit en lui disant je suis sûr que t'as aimé ça. Non, il n'aurait pas dû s'habiller comme cela, marcher seul dans la rue, patati patata. Non, elle n'aurait pas dû s'apprêter comme cela, elle n'aurait pas dû faire ci, elle n'aurait pas dû faire ça.